Évitez de ricaner au nez des déshérités. Le trafic d'influence pas toujours vous profiter. L'inégalité, une trop fréquente fatalité. Faudrait y remédier, un changement de mentalité. Dans l'intimité, manipuler l'actualité. Assister pour nous déconnecter de la réalité. Votre morale, mes chorales et la complexité de vos propos me font douter de votre sincérité. Affronter, ne serait-ce qu'effleurer la vérité. Constater la nécessité d'agressivité. Des insurgés que votre vanité a irrité. De vos désastres, les sinistrés ont assisté. Attristé au sacrifice de l'humanité. La débilité de votre soi-disant modernité. Vos abus de pouvoir ici-bas sont illimités. Bernés dans l'espoir, les communautés du monde entier. Châtiez, vous le serez. Survolté, peuple dans sa presque totalité. Maintenant révolté, avouez-le en toute légitimité. Ne venez pas les tester, ou vous risquez d'être décapité comme dans le passé. Augmentez chamé la mortalité pour avoir tenté de nous jeter dans l'obscurité. Quand votre police instaure elle-même l'insécurité, vous étonnez qu'un jour vos quartiers soient agités. Que font-ils pour les jeunes des cités? Si t'as trop d'ambition, ils veulent t'empêcher d'avancer. Mais les jeunes décides se sont bel et bien réveillés. Et le combat est levé pour faire les choses évoluer. Il faut les aider. Pas la peine de nous demander pardon. Pas la peine. Pas la peine de nous demander pardon. La révolte est imminente. Il faut faire attention. Quand on prend des enlevants et les malvois sont en action. Mon esprit fuse. Soudain je décolle. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'étais à l'école. C'est parce qu'ils refusent de respecter leurs paroles. Le pouvoir j'accuse d'avoir le diable comme idole. De plus ils abusent, les lois de la nature survolent. Ça les amuse de faire atomiser le sol. Leurs fins sont confuses, ils avouent que ça m'affole. De notre patience ils usent, ils avouent que ça me désole. Pendant que ces minables se disputent le monopole. Comprend que les misérables se noient dans l'alcool. Existence pitoyable, rêve de prendre leur envol. Leur est insupportable, savoir que le système les vole. Et il est préférable que le peuple somnole. Parce que les dessous ces gens-là en raffolent. Approche l'inévitable, croire qu'ils en rigolent. Je te les djihadistes et le diable sont choisis comme idoles. Évitez. Que font-ils pour les jeunes des cités? Si t'as trop d'ambition, ils veulent t'empêcher d'avancer. Mais les jeunes délaissés se sont bel et bien réveillés. Et le combat est levé pour faire les choses évoluer. T'as d'urgence, fais une unanimité. En toute honnêteté, ça devrait péter. Festoyer, tant qu'il est temps, mais soyez préparés à toute éventualité. Mais fiez-vous de ceux que vous avez exploités. Voyez et croyez que sous vos pressions broyées, ça y est, pour nous plutôt guerroyer. S'apitoyer sur notre sort, évitez. N'essayez en aucun cas de briser l'unité ou de noyer dans la rivalité ce que vous auriez dû choyer, orienter et non tourmenter et désorienter que vous avez vous-même dérouté, dépossédé s'ils ont cédé avec naïveté. Ce n'est que dans la violence que le silence des agneaux s'a brisé. Et notez que la nappe du désespoir va vous envelopper, c'est même que vous nourrissez dans les pays dissous développés implicitement. Je viens troubler l'ordre dans vos cités explicitement. La loi du talion je viens créditer. Que font-ils pour les jeunes des cités? Si t'as trop d'ambition, ils veulent t'empêcher d'avancer. Mais les jeunes délaissés se sont bel et bien réveillés. Et le combat est levé pour faire les choses évoluer. Pour faire les choses évoluer. Pas la peine de nous demander pardon. Non, c'est pas la peine. Pas la peine de nous demander pardon. La révolte est imminente. Il faut faire attention. Trop de promesses dans le vent. Et les mademoiselles sont en action. Que font-ils pour les jeunes des cités? Tu sais que l'inégalité ne trouve fréquente fatalité. Si t'as trop d'ambition, ils veulent t'empêcher d'avancer. Ouais, faudrait éviter de ricaner au nez des déshérités. Mais les jeunes délaissés se sont bel et bien réveillés. Sachez que le trafic d'influence ne va pas toujours vous profiter. Et le combat est levé pour faire les choses évoluer. Et notez que ce n'est que dans la violence que le silence des années sera brisé. Évitez. Allez, ne nous demandez pardon, pardon. Pas la peine de nous demander pardon. La révolte est imminente. Ouais, faut faire attention. Trop de promesses dans le vent. Et les malvois sont en action. Well, yeah man. Idéal, j'y alongside anymore.